Bon, le micro, c'est bon, c'est bon, ouais. Salut. Donc moi c'est non, non, non, je ferai ça non, je ferai mieux de pas lire. Donc en fait, si vous écoutez ça, c'est probablement parce que comme moi, vous aimez une certaine œuvre. À la base, ça a commencé par un livre qui s'appelait en fait donc Good Omens, ou sinon en français c'est De bons présages. Voilà, donc c'est de Neil Gaiman et Terry Pratchett. Alors. À la base, donc, bon, j'ai acheté ce livre parce que je connaissais l'œuvre de Terry Pratchett, et justement, enfin, voilà, j'adore Disque Monde. Et forcément, quand j'ai vu ça, tiens, une collaboration avec Neil Gaiman, dont j'avais déjà entendu parler, bon, forcément, j'ai acheté le bouquin, j'ai essayé, j'ai lu, j'ai adoré. Vraiment, c'était top, quoi. Donc, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai re-relu, ouais, je pense, au moins 3 fois. Vraiment, j'ai tout adoré. Et, à un moment, bah, j'ai appris qu'il allait y avoir une adaptation. Oh, le jour-là, tu vois, j'étais aux anges. Vraiment. Je me suis dit, ouais, ça va être super, en plus c'est Neil Gaiman qui chapeaute le projet, donc non, vraiment, ça pouvait être que top, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. En plus, voilà, une sorte d'hommage à Pratchett, non, non, génial. Donc c'est sorti, j'ai tout regardé, les 6 épisodes d'un coup, je les ai enchaînés, ça a vraiment passionné, quoi. Vraiment génial, très bonne adaptation. Non, enfin, vraiment, c'était complètement dingue. Et pareil, en fait, comme le bouquin, bah, je l'ai revu, je l'ai re-revu, je l'ai re-revu, et j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Alors, en plus, Neil Gaiman avait dit qu'il avait ajouté donc des éléments inédits qui avaient à la base été prévus pour une suite. Donc, notamment, c'est pour ça qu'on a le personnage de Gabriel, et vraiment, c'était une idée géniale. Le truc, c'est que j'ai beau avoir adoré, il y avait un truc qui me paraissait bizarre, en fait. Mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, et. Il a fallu que je regarde, que je re-regarde, que je re-regarde, et j'ai vraiment eu du mal à trouver. Vous voyez, c'est un peu comme quand on a un caillou dans sa godasse, et qu'on marche 10, 20, 30 km avec. Le truc, c'est que donc, vous marchez, vous sentez que vous avez le caillou, vous retirez votre godasse, vous avez beau taper, ça tombe pas. Vous avez beau fouiller avec votre main, bah, le caillou, vous le trouvez pas, mais vous remettez à la godasse, paf, il y a le caillou qui est dedans. Pourquoi je dis ça, moi? On y revient. Donc, en fait, j'ai découvert un truc sur Good Omens. Alors, attention, ça va vous choquer. Prenez le temps de vous asseoir, trouvez un truc, en tout cas, voilà, préparez-vous au choc. En fait, Good Omens, ça n'est absolument pas une fiction. Non. En fait, voilà, ça fait un moment que je travaille sur le truc, et là, je veux absolument en parler, car j'ai découvert des trucs, et globalement, j'ai peur de ce qui pourrait m'arriver. Donc, je fais tout ce que je peux pour livrer mon témoignage le plus vite possible. Voilà. Mais vraiment, il faut que l'info passe, donc faites circuler ça. Ce n'est pas une fiction. Et en fait, voilà ce que j'ai découvert. C'est que Crowley et Aziraphale ne sont pas des personnages. Crowley et Aziraphale existent pour de vrai. Bouge pas, je reviens.